Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le cours de l'histoire. Territoire et culture, autrement dit l'œuf ou la poule. Aujourd'hui, le théâtre, enjeu politique et enjeu de cohésion territoriale. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Aujourd'hui, nous allons au théâtre. L'intense moment de vie, qui est une représentation théâtrale, est une question de territoire, de la fête au village à la scène nationale. Le théâtre s'inscrit dans la géographie entre la ville et la campagne, entre la capitale et la province. Il s'inscrit également sur les cartes selon les quartiers, les faubourgs et les rives à Paris. Puis il y a le déplacement de la maison jusqu'à la salle de spectacle. Oui, aujourd'hui, nous allons au théâtre. Et une fois entré dans la salle, il est encore question de territoire. Il y a le poulailler, bien sûr, qui se fait paradis tant il est en hauteur. Et là, nous les aimons, bien sûr, ces enfants du paradis. Oh, là-bas, les places ne sont pas chères. En tout cas, moins chères que pour une baignoire, la petite loge située entre la scène et le parterre. Oui, le parterre, oui. Situé derrière, lui, les fauteuils d'orchestre. Côté cour, côté chœur, côté jardin, le théâtre est une histoire de territoire, une histoire de plaisir. Le cours de l'histoire sur France Culture s'intéresse au territoire et à la culture. Territoire et culture, l'œuf ou la poule, une réflexion sur les liens intimes qu'entretiennent les territoires et la culture. Nous avons parlé des fouilles archéologiques, la culture est sous nos pieds. Nous avons parlé des musées, ce sont des émissions à réécouter sur le site internet le cours de l'histoire franceculture.fr ou bien en baladodiffusion, le podcast. Et puis vous pouvez les commenter sur le groupe Facebook le cours de l'histoire. Vous êtes de plus en plus nombreux, merci beaucoup. Et aujourd'hui, oui, nous allons au théâtre. En quoi, depuis la Révolution française, le théâtre représente-t-il un enjeu politique et un enjeu de cohésion territoriale? Avec vous, Jean-Claude Dion, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous êtes directeur d'études à l'école pratique des hautes études. C'est la quatrième section, l'histoire des spectacles. Ça, c'est le titre de la chaire, histoire des spectacles à l'époque contemporaine. Cette histoire des spectacles a longtemps été un peu marginale. Elle était regardée, le spectacle, c'est le divertissement. Maintenant, c'est un objet culturel majeur, cette histoire des spectacles. Il faut comprendre intimement la société pour réussir à comprendre ce monde foisonnant qu'est le spectacle. C'est vrai que quand on utilise le mot théâtre et qu'on pense avec nos mentalités de 2020, le théâtre finalement est réservé à une petite élite, si ce n'est financière, au moins intellectuelle, culturelle. Et au 19e siècle, le théâtre, d'ailleurs le mot englobe des choses beaucoup plus larges que de nos jours, touche vraiment une grande partie de la population, à Paris mais aussi en province, et notamment fournit une culture commune, des références communes, comme de nos jours la télévision ou Internet ou les réseaux sociaux. C'est très juste de souligner cette comparaison. Jean-Claude Dion, on n'imagine pas à quel point le théâtre était effervescent au 19e siècle. Les gens avaient le choix entre des tas de représentations. La presse parlait sans cesse de théâtre. C'est vrai qu'il faut rappeler ce théâtre du 19e siècle, c'est qu'on a un peu perdu dans l'esprit quand on s'y plonge dans cette période. Tout est théâtre. Tout est théâtre et on est au 19e siècle dans ce que j'ai pu appeler, en prenant un terme d'un journaliste américain, une dramatocratie. Alors en fait, on va basculer au cours du siècle vers une société du spectacle, parce que comme on le verra, le théâtre proprement dit va être concurrencé par d'autres formes de spectacles plus populaires, et café-concert, cirque, plus tard le cinéma, le spectacle sportif. D'ailleurs, je viens de prononcer le mot sport, je pense que pour comprendre un peu, et notamment en termes d'identité locale, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, la place du théâtre au 19e siècle, on pourrait faire vraiment des comparaisons de nos jours avec le sport, de même que l'équipe de foot qui donne un peu l'identité d'un territoire. Au 19e siècle, c'est beaucoup plus la salle de spectacle et tout ce qui s'y passe. Jean-Claude Dion, il faudrait une représentation théâtrale entière pour citer la liste de vos ouvrages, parce qu'ils sont tous importants, mais l'histoire culturelle de la France au 19e siècle, ça, les étudiants l'ont feuilleté, l'histoire du théâtre à Paris, bien sûr, mais Monsieur Offenbach, ça c'est un des derniers, et puis Hôtel du Libre-Échange, faut rappeler, c'est vrai que... Feydeau, voilà, mais ce sont des auteurs majeurs, Feydeau, Offenbach, c'est quelque chose qui a vraiment marqué les gens au 19e siècle, on observait, on attendait les nouveautés. Alors oui, et alors Feydeau, en l'occurrence, cette pièce magnifique qui a été reprise il n'y a pas longtemps à la Comédie Française, elle est créée en décembre 1894, et l'année suivante, elle est reprise dans 65 villes en France. Donc tout de suite, on va être au courant de la nouveauté, parce qu'effectivement, mis à part un certain type de pièces dont on reparlera, les revues locales, les créations se font à Paris, mais tous les théâtres de province veulent le plus rapidement possible être au courant des nouveautés. Et pour parler théâtre ce matin dans le cours de l'histoire, Emmanuel Loyer, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à Sciences Po Paris. Vous êtes l'auteur d'une brève histoire culturelle de l'Europe, d'une histoire culturelle de la France, de la Belle Époque à nos jours, et la plus récemment de Lévi-Strauss, c'est aux éditions Flammarion. Quel est le rapport avec le théâtre, Lévi-Strauss et le théâtre ? Pas beaucoup, parce que Lévi-Strauss n'aimait pas tellement le théâtre, ou du moins, il dit dans les années 60 qu'il aime le théâtre de boulevard, qui à l'époque était tout à fait dévalorisé. Jean-Claude a vécu, je crois, dans son parcours d'universitaire, une revalorisation de toute cette partie du théâtre du 19e siècle, de l'opérette, qui était quelque chose de très important, mais en même temps, c'est vrai... relativement mineur, disons, sur le plan artistique. Et c'est l'histoire du goût et de ses purgatoires. D'ailleurs, c'est intéressant de relier Lévi-Strauss à une forme de théâtre qu'on simplifie en disant théâtre de la science. Non, mais c'est intéressant de voir que ce qui fait partie de notre culture, je veux dire, du quotidien, de tous les jours, et parfois oublié quand on étudie le passé. Donc c'est bien de remettre le théâtre et de dire que Lévi-Strauss aimait le théâtre de boulevard parce qu'on s'y amuse bien. Mais pour le moment, je vous présente un personnage. Ce personnage, il s'appelle Édouard Charton. Il est journaliste, homme politique un petit peu. Il est fondateur du magazine pittoresque, un magazine à succès du 19e siècle. Et en mars 1850, il livrait un rapport de loi concernant les théâtres. Il nous est lu ce matin par Nathalie Canoui. Aucun autre plaisir intellectuel n'a un pouvoir de séduction égal à celui de l'art dramatique. Aucun autre n'a le don d'exercer sur les esprits une impression aussi directe et aussi profonde. On a dit avec vérité que non seulement il constate l'état des mœurs, mais encore qu'il contribue à les modifier. C'est tout ensemble la littérature et la philosophie en action. Ses fonctions ont souvent sur l'imagination l'effet des événements réels. Un livre, si éloquent qu'il soit, ne parle au lecteur que dans le silence et l'isolement. Inversement, le poète dramatique appelle, réunit à une même heure, en une même enceinte, sous l'éclat des lumières, une assemblée nombreuse de spectateurs, lettrés et illettrés, hommes et femmes, et où d'ordinaire, la jeunesse est en majorité. Cette foule vient, agité déjà du désir d'être ému, et tout est disposé pour l'émouvoir. Les ressorts qui peuvent le plus profondément remuer les cœurs sont associés et comme concentrés vers le même but. Les illusions de la peinture, la magie de la musique, les interventions pénétrantes de la poésie, l'énergie du geste, le charme et la vibration de la voix. Quels éléments de puissance et d'action pour un auteur qui veut et sait faire passer le souffle de sa pensée, de son désir, de ses passions, de sa volonté dans l'âme de cette multitude. Sur le projet de loi concernant les théâtres en mars 1850 par Édouard Charton. Dans ce texte qui nous est lu par Nathalie Canoui, nous avons le théâtre comme résumé de la société, cette idée que tout le monde se retrouve au théâtre, les plus riches, les moins riches, tous les âges, les hommes, les femmes. Jean-Claude Dion, est-ce que cette image est réelle ? Oui, et effectivement, là, ce texte, il est magnifique et je le fais souvent lire aux étudiants parce qu'il résume très très bien le pouvoir, la puissance du théâtre et notamment cette puissance de cohésion sociale qui va ensuite se déliter puisque quand on passera à la société du spectacle, on aura une ségrégation des publics. Alors, sans mythifier le premier 19e siècle, on est quand même dans un lieu qui rassemble et donc cette image d'un théâtre porteur de la civilisation, et de la modernité, ça explique pourquoi les régimes successifs encouragent les municipalités à se doter de théâtres, à construire des salles. Alors en fait, de 1806-1807 jusqu'en 1864, on est dans un système d'encadrement administratif du théâtre assez sévère, qui s'appelle le système du privilège. Ça fleure bon l'ancien régime, hein, c'est la reprise de choses d'avant la Révolution. Mais en fait, l'aspect très intéressant de ce système du privilège, on va laisser de côté Paris pour se concentrer sur la province, c'est que le pays est divisé en 25 arrondissements théâtraux, hein, qui reprennent différents départements. Et à l'intérieur de ces arrondissements, on a à la fois des troupes sédentaires dans les villes les plus importantes, puis des troupes itinérantes dans les plus petites villes. Et c'est l'État vraiment qui dicte le parcours de ces villes, de ces troupes, les préfets en lien avec le ministère de l'Intérieur, pour vraiment faire une sorte d'irrigation théâtrale, et que même dans des toutes petites villes, on a une activité. Donc on parlera tout à l'heure de décentralisation théâtrale, mais il faut pas imaginer que c'était un désert culturel. Et avec ce système du privilège, on est vraiment curieux de voir qu'on a monté dans des tout petits endroits des pièces parfois très très compliquées. Et ça veut dire aussi que la France s'est dotée au 19e siècle de tout un réseau de salles qui d'ailleurs constitue maintenant un patrimoine architectural très intéressant, qu'on a beaucoup détruit, mais que les municipalités commencent à vouloir valoriser, et qui fait partie, alors plus tellement, c'est un peu compliqué de les utiliser comme lieu de représentation, mais ça devient des lieux de visite. Je pense par exemple au théâtre de Saint-Omer, 1840, qui est au sein de l'hôtel de ville, qui a été restauré, ou une salle magnifique, là je donne vraiment des idées de visite pour nos auditeurs, le théâtre Blossac à Châtellerault, une merveille, qui est vraiment un modèle de restauration, et qui fait partie maintenant des ressources touristiques de cette ville. Jean-Claude Dion, avec ce système des privilèges, il y a une volonté, alors, de décentraliser, mais parler de politique culturelle serait quand même anachronique. Comment se construit, par le pouvoir, cette carte, en fait, cette géographie des théâtres en France ? Alors le pouvoir donc cherche à, et vous avez raison, politique culturelle, on le sait bien depuis les travaux de Vincent Dubois, c'est compliqué de parler de politique culturelle au 19e siècle, mais il y a une action culturelle qui est bien réelle, parfois un peu brouillonne, et notre cher Second Empire que vous aimez comme moi se caractérise par une multitude d'initiatives, mais dont la cohérence est quand même très très peu évidente. En l'occurrence là, c'est beaucoup ce rapport entre le centre, entre Paris, et puis les préfets, les maires, avec une forme de négociation, avec des troupes qui naturellement veulent jouer là où on fait de l'argent, mais on les oblige à aller jouer ailleurs, et donc il y a tout un microcosme local, et en tout cas un appétit de théâtre de la part des populations qui est très très grand, et une volonté de savoir ce qui se joue à Paris. Jean-Claude Dion, vous avez évoqué cette année de 1864 quand les théâtres sont profondément réformés. Quelle est cette rupture à ce moment-là ? Alors c'est le décret du 6 janvier 1864 pris par Napoléon III qui proclame la liberté des théâtres, d'ailleurs à peu près dans les mêmes termes que le décret, enfin que la loi de janvier 1791 au moment de la Révolution. Et donc là, on entre dans un autre système qui est celui où c'est simplement la loi du marché qui va réguler, l'État se désengage, et on comprend pourquoi à la fin du siècle, par rapport à donc ce théâtre commercial qui va prendre tellement d'importance, on aura une avant-garde qui cherchera à proposer un théâtre du peuple et une autre forme de spectacle. Une autre forme de spectacle qui reconnecte avec un peuple qui est à cette époque-là beaucoup plus dans les cabarets, dans les cafés-concerts, dans les cirques, et qui ne va plus vraiment au théâtre, qui est devenu un loisir bourgeois. Oui, parce que là, on a vraiment quelque chose d'intéressant avec cette fin du 19e siècle et le café-concert. Et Jean-Claude Dion, vous venez de le dire, café-concert. Et là, je ne peux pas m'en empêcher. Je pense immédiatement à Félix Mayol. Je ne vais pas chanter. Non, je laisse Félix Mayol chanter, mais je vous amène au café-concert. Samedi soir après le turbin, l'ouvrier parisien dit à sa femme comme dessert, je te paie le café concert. On va filer bras dessus, bras dessous, aux galeries à 20 sous. Mais vite une robe, faut se dépêcher pour être bien placé. Car il faut, mon coco, entendre tous les cabots. Viens poupoule, viens poupoule, viens. Quand j'entends les chansons, ça me rend tout polisson. Ah, viens poupoule, viens poupoule, viens. Souviens-toi que c'est comme ça que je suis devenu papa. Félix Mayol, Viens Poupoule, une chanson de 1902. Et dans Viens Poupoule, Félix Mayol évoque le CAF-CONS, le café-concert, qui est un moment important, toujours dans notre réflexion que nous avons dans le cours de l'histoire sur le théâtre et les territoires. Nous voyons bien ces scènes installées, que ce soit à Paris ou dans les théâtres municipaux, en province. Et puis, foisonne énormément de spectacles, en fait, hors de ces grandes salles. Ben, c'est le cas des cafés-concerts, Jean-Claude Dion. Le café-concert est un phénomène qui, effectivement, donc, commence à se développer à partir des années 1840. Alors ça, les pouvoirs publics n'apprécient pas du tout, parce que c'est considéré comme un lieu de débauche, et c'est un lieu, on l'a d'ailleurs un peu entendu à travers cet extrait, très érotisé, parce que on parle de sexe en permanence, sous toutes ses formes, et parfois de façon beaucoup plus crue que ce qu'on vient d'entendre. Mais en même temps, les pouvoirs publics sont bien incapables de limiter ce foisonnement qui tout de suite se fait autant en province qu'à Paris. Le café-concert, c'est pas uniquement Paris. Et les cafés-concerts, notamment, vont être des lieux où on va créer ce que j'évoquais tout à l'heure, et j'aimerais y revenir un instant, ce qu'on appelle les revues locales. Donc c'est des pièces jouées en fin d'année. On a ça encore de nos jours, hein, lorsqu'une classe monte une pièce à la fin ou dans des écoles, etc. Et ces revues locales, c'est une façon de mettre en scène tout ce qui s'est passé dans l'année, les cafés-concerts en font, les théâtres en font, et ça montre que ces lieux qui sont à la fois des lieux d'exportation d'une culture parisienne et du coup aussi internationale, sont aussi vraiment des lieux d'affirmation d'une identité, avec des pièces qui font le bonheur des historiens, parce qu'effectivement, ou des érudits locaux, parce qu'il faut connaître très très bien l'histoire de la ville pour comprendre ce qui s'y passe, mais qui montre vraiment que la communauté trouve dans le lieu de spectacle un élément fédérateur, comme de nos jours dans un stade de foot ou dans l'élection d'une Miss France. Oui, ce jeu est intéressant d'échange culturel entre des pièces qui peuvent connaître un succès international, des pièces parisiennes qui peuvent être diffusées, et puis des créations plus locales. Et il y a des rencontres sans cesse. En fait, le théâtre est un lieu de dialogue, un lieu d'échange. Le 19e siècle fait de la scène théâtrale une représentation de la société à plusieurs échelles, en fait, nationales ou même locales. Oui, je pense que vraiment, de la même façon que dans les musées, si on veut citer un autre type d'établissement très important pour la vie culturelle, et les villes au 19e siècle se dotent de musées exactement comme ils veulent avoir chacun leur théâtre, la petite patrie et la grande patrie ne s'opposent pas, en fait, elles se complètent, et le théâtre, c'est là où on connecte avec une actualité parisienne internationale, mais c'est là aussi où on affirme son identité, et ça se voit notamment dans un élément très intéressant, que sont les décorations des salles de spectacle, dans les foyers, dans les escaliers, où en fait on va magnifier les gloires locales, où on va mettre en avant des statues des grands personnages musiciens, auteurs dramatiques, ou sur le théâtre à Épernay, vous avez la vigne qui est évoquée, parce que bien sûr c'est la célébration du champagne. Donc au théâtre, on est à la fois chez soi et avec les autres. Jean-Claude Dion, dans la représentation que nous avons du théâtre, qui vient souvent des Enfants du Paradis, hein, le film, mais c'est vrai que ce mélange de société est très parisien. C'est le boulevard du crime et c'est les théâtres de Paris. Est-ce que nous allons retrouver le même phénomène que ce soit dans les villes de province ou que ce soit même encore ailleurs? C'est-à-dire, est-ce qu'on va trouver une cohésion sociale un peu partout, ou est-ce que le théâtre reste malgré tout réservé souvent à une élite, même locale? Alors il y a cette évolution que j'ai signalée qui fait que le théâtre va s'embourgeoiser de plus en plus, mais quand même cette cohésion, elle existe, elle est réelle. Et alors bon, ce qui se passe en province, c'est dans le cadre de la vie provinciale, donc il n'y a pas un spectacle tous les soirs, les représentations sont moins longues, il faut terminer plus tôt, mais je pense qu'on peut quand même transposer à peu près les mêmes choses, et en tout cas il y a cette idée que le spectacle, c'est l'endroit où toutes les classes sociales peuvent se croiser, avec bien sûr des salles, je le rappelle, c'est un phénomène que nos auditeurs doivent avoir en tête parce qu'il est fondamental, avec des salles où la lumière reste allumée dans la salle pendant la représentation, ce qui fait qu'en fait, le théâtre, c'est un vaste salon, c'est le salon de tout le monde, c'est une espèce de mélange entre public et privé, avec ces lieux si particuliers que sont les loges, où en fait, on a fait tout et n'importe quoi. Je rêve un jour de faire une statistique du nombre de gens qui ont été engendrés dans une loge de théâtre, ça serait une merveilleuse indication. Et donc voilà, le théâtre, avec cette lumière qui est là en permanence, pour ça d'ailleurs que les salles sont si belles, parce qu'il faut qu'on les voit, c'est le lieu où on se rencontre, où les gens qui ne pourraient pas se rencontrer dans d'autres circonstances se retrouvent et peuvent se parler. Mais ce théâtre, c'est vrai qu'on aimerait bien avoir cette statistique, Jean-Claude Dion, de savoir qui a pu être engendré dans une salle. Et puis après, nous chercherons la pièce représentée. Là, il y aura beaucoup à faire. Emmanuel Loyer. Oui, non. Là, on voit à quel point, sans doute, le contraste entre le 19e et le 20e s'affirme, parce que ce que nous décrit Jean-Claude Dion, c'est en effet un spectacle total, avec une pratique de la salle qui est aussi une pratique sociale, une pratique ludique, conversationnelle. Alors que ensuite, et là, au cours du 19e et encore plus au 20e siècle, on va aller vers une purification, sacralisation, disons, du spectacle qui se passe sur scène, avec au contraire une exigence d'écoute très attentive, de silence, qui va avec d'ailleurs l'évolution, disons, bourgeoise du spectacle. Ça, c'est une évolution qu'on retrouve en France et puis un peu partout ailleurs, et qui dicte beaucoup de choses sur l'évolution de notre affaire, parce que c'est pas du tout pareil ce que décrit Jean-Claude, et puis cette nécessité de conduite des corps, de se tenir bien, silencieux, et finalement en position quasiment religieuse face au spectacle. Et dans le même moment, c'est vrai que dans les musées, on se met à murmurer, parce qu'il y a un comportement du corps. Oui, le silence va avec la... Oui, tout à fait. Oui. Et bien nous, ce matin, nous sommes au théâtre. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous intéressons aux liens qu'entretiennent les territoires et la culture, et particulièrement avec le théâtre. L'effervescence théâtrale du 19e se ralentit parce qu'il y a d'autres activités qui se mettent en place. Il y a évidemment le sport, il y a plein d'autres choses. Et puis il y a un embourgeoisement du théâtre, c'est ce que vous évoquez Emmanuel Loyer et Jean-Claude Dion. Un embourgeoisement qui fait que le théâtre change un petit peu de nature, ce qui peut d'ailleurs créer la nostalgie, le spectacle. Spectacle vivant a tendance à disparaître et on regrette ce spectacle vivant. Exemple dans les actualités françaises, le 17 janvier 1962, il est question de Guignol. Tiens, tiens! Et tu croyais peut-être que j'allais me laisser faire? Face à la célèbre colline de Fourvière, de l'autre côté de la Saône, c'est le vieux Lyon. Trop vieux même, puisque dans la rue Mercière, qui fut la plus passante de Lyon au Moyen-Âge, des magasins fermés annoncent des démolitions prochaines. Tout un quartier, usé par le temps, va en effet disparaître. Et qui songerait à regretter ces maisons lépreuses? Et pourtant, le quai Saint-Antoine, c'est aussi au milieu des rideaux de fer aujourd'hui tirés, une enseigne. Une enseigne qui porte le nom d'une aventure. Ici naquit Guignol vers la fin du XVIIIe siècle. Depuis lors, sans doute, il avait conquis la France, mais il était resté fidèle à son théâtre chargé de dorures du quai Saint-Antoine. Que fait donc Barbarin ? Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé ! Guignol, dans les actualités françaises en 1962. Guignol, né à la fin du 18e siècle, immense succès du 19e siècle, parce que le spectacle de marionnettes est du spectacle aussi, dans cette pluralité d'offres qu'il y a au 19e siècle, Jean-Claude Dion. Et Guignol, donc, tout le monde le sait, est né à Lyon. Donc, il est l'exemple même, on parlait beaucoup de la centralité de Paris, mais de la créativité aussi des provinces. Les marionnettes, en fait, ne sont pas destinées uniquement aux enfants, il faut bien avoir ça en tête. Et notamment, on a des marionnettes très locales, puisqu'on est toujours autour de cette idée des identités, des territoires. Guignol, c'est Lyon, mais on peut penser à La Fleur, à Amiens. Il y a dans tout le nord de la France énormément de marionnettes. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que ces spectacles de marionnettes, on reprend les grands succès du théâtre de boulevard ou du théâtre classique, et vont l'adapter, y compris éventuellement en l'adaptant dans le patois local. Et on pourra découvrir La Dame aux Camélias, Ruy Blas ou Cyrano de Bergerac en patois picard, avec le personnage de La Fleur rassemblés, et voilà, ça sera peut-être la seule façon de connaître cette pièce pour un certain public. Donc les marionnettes sont aussi quelque chose de tout à fait passionnant à étudier. Et Jean-Claude Dion, en tant qu'historien du théâtre, nous nous posons la question du public. Pour Guignol, nous imaginons que c'est pour les enfants. Et non, vous nuancez, vous dites que c'est différent. Il est difficile de savoir qui est le public. Comment procède l'historien pour essayer de trouver le public du théâtre? La pièce, on la connaît, on connaît son auteur, on peut même savoir le nombre de représentations. Mais le public? Le public, c'est toujours la principale difficulté pour un historien des spectacles. quand on est avec des théâtres officiels, on a des abonnés, on a de la correspondance, on a plus d'éléments. Des théâtres privés, c'est beaucoup plus compliqué. En fait, je crois que il faut tout simplement regarder les prix des places. Et là, quand même, on a des indications assez intéressantes à travers ça. Bien sûr, on a aussi la presse. Mais alors, on va pas rentrer dans ce sujet, mais les connexions entre la presse et les théâtres sont tellement importantes qu'il faut lire les journaux du 19e siècle avec énormément de prudence, et puis il faut croiser. Et donc c'est vrai qu'il est compliqué. Une chose qui est assez formidable à utiliser, et je pense que pour beaucoup d'historiens c'est une source formidable, c'est les souvenirs de voyageurs. Parce qu'effectivement, quand on a un regard extérieur sur ça, on permet souvent de comprendre des éléments, et c'est une source très précieuse. C'est vrai que nous sommes perturbés aujourd'hui quand nous regardons les siècles passés, parce que certaines pièces nous semblent des chefs-d'œuvre qui ont traversé le temps. Et puis quand on regarde la réalité, elles n'ont pas eu l'effet que l'on croit qu'elles ont eu. Elles ont été moins représentées, Emmanuel Loyer. Comment on étudie ce public du théâtre? C'est très difficile, ça, en tant qu'historienne. Au XXe siècle, ça se pose un peu différemment, même si ça reste en effet le grand défi de l'histoire culturelle, finalement, à chaque fois la question de l'appropriation finalement d'une production, qu'elle soit théâtrale, cinématographique ou autre. Bon, au XXe, il y a aussi des enquêtes statistiques, parce que justement, mais là on va peut-être rentrer dans un autre univers qui est un univers de public plus rare peut-être, et où le théâtre occupe une place désormais beaucoup plus circonscrite, mais où du coup on se préoccupe aussi de connaître, d'acquérir un savoir sur son public, enquêtes statistiques, sociologiques, qu'on fait d'ailleurs parler d'une façon ou d'une autre, et qui vont rentrer aussi comme élément pour, disons, déterminer telle ou telle orientation d'une politique culturelle ou théâtrale. Mais c'est vrai que c'est quand même toujours un problème. Ça fait partie des petites angoisses de l'apprenti historien ou l'historien tout court. Mais ce problème est toujours passionnant, c'est vrai. Disons qu'on contourne, on trouve des... C'est vrai qu'il y a pas mal de correspondances aussi. Par exemple, pour le Festival d'Avignon, vous trouvez beaucoup de lettres qui permettent de saisir, pas forcément non plus tant la sociologie du public, aussi les types de positionnement, de conduite, etc. C'est souvent très riche. Mais qui était au Théâtre des Variétés ce 17 décembre 1864 pour assister à la première représentation de La Belle Hélène, l'opéra bouffe en trois actes de Jacques Offenbach, avec le livret d'Henri Meillac et de Ludovic Halévy? Écoutez, nous y allons là ce matin dans le cours de l'histoire sur France Culture, La Belle Hélène Offenbach. Je suis le bouillant Achille, bouillant Achille, bouillant Achille, le grand Myrmidon. Combattant un contre mille, grâce à mon plongeon. Grâce au plongeon. J'aurai l'esprit bien tranquille, n'était mon talon. Je suis le bouillant Achille, le bouillant Achille, le bouillant Achille, le grand Myrmidon, le Myrmidon. Voici le bouillant Achille, le bouillant Achille, le grand Myrmidon. Voici le bouillant Achille, le bouillant Achille, le grand Myrmidon. Je suis... Mais qu'est-ce que je suis? L'époux. Comment? L'époux. L'époux? Ah oui, l'époux, oui, je suis l'époux de la reine Pou, de la reine Pou, de la reine, le roi Ménélas. Je crains bien qu'un jour Hélène, je le dis tout bas. Ne me fasse de la peine, n'anticipons pas. Je suis l'époux de la reine Pou, de la reine Pou, de la reine, le roi Ménélas, le Ménélas. Il est l'époux de la reine Pou, de la reine, le roi Ménélas. Il est l'époux de la reine Pou, de la reine, le roi Ménélas. Le roi Barbie qui s'avance, c'est Agamemnon. Agamemnon. Et ce nom seul me dispense d'en dire plus long. D'en dire plus long. J'en ai dit assez, je pense, en disant mon nom. Le roi Barbu qui s'avance, c'est Agamemnon, Agamemnon. Le roi Barbu qui s'avance, c'est Agamemnon. Le roi Barbu qui s'avance, c'est Agamemnon. La belle Hélène de Jacques Offenbach dans le cours de l'Histoire sur France Culture, une émission réalisée par Perret Legras avec aujourd'hui à la technique Audrey Guélil. Offenbach obligatoirement puisque vous êtes présent avec nous, Jean-Claude Dion, biographe. Merci beaucoup. C'est important. Important, Offenbach, très important parce que nous avons ici une réflexion que nous pouvons poser par rapport à la culture et au territoire sur l'économie du théâtre. Mettre en scène Offenbach, ça demande des moyens, ça demande beaucoup de personnes. C'est difficile à diffuser dès lors dans les territoires, ou alors est-ce qu'il y a des adaptations? Comment ça se construit, Jean-Claude Dion? Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que on parlait donc de cette diffusion avant ou après la fin du système du privilège de répertoire parisien en province. Et en fait, les municipalités, les publics locaux sont très demandeurs d'avoir du théâtre lyrique à côté du théâtre dramatique. Ils veulent de l'opéra comique, ils veulent de l'opérette lorsqu'ensuite, à partir de 1955, ce nouveau genre apparaît. Sauf que ça coûte très cher, c'est beaucoup plus lourd à monter, c'est beaucoup plus compliqué. Généralement, les orchestres, bah, ça va être la fanfare locale qui va servir d'orchestre, ou si on est dans une zone militaire, ça peut être l'orchestre militaire qui va intervenir. D'ailleurs, très important, hein, les militaires au théâtre, dans les villes de garnison, il faut absolument le théâtre pour les obtenir. Et c'est un public horrible, parce qu'en fait, ils n'obéissent qu'à leur hiérarchie et pas du tout au commissaire de police. Donc, militaire au théâtre, ça veut dire rixe et problèmes systématiques. Mais en tout cas, voilà, l'opérette est un genre, alors qu'on associe maintenant d'ailleurs beaucoup à la province, puisque la province a aussi servi au XXe siècle de conservatoire d'un certain nombre d'œuvres qui ont été méprisées et qui ont disparu à Paris. Et Emmanuel tout à l'heure parlait des variations du goût. Là, on en a un cas formidable. Et on voit maintenant, par exemple, ce retour à Offenbach dans les salles les plus prestigieuses parisiennes. Alors après, il s'agit de comprendre quel Offenbach et comment on le perçoit. Parce qu'effectivement, là, la grande complexité, c'est de comprendre comment ces œuvres étaient perçues à l'époque et comment elles peuvent l'être de nos jours. Et en l'occurrence, là, on a entendu la belle Hélène. Pour les chefs-d'œuvre, il y a ce côté atemporel qui permet une compréhension, mais ce qui n'était pas le cas, loin de là, pour toutes les œuvres. Emmanuel Loyer, nous évoquons Offenbach. Jean-Claude Dion a parlé des militaires au spectacle, ce qui pourrait nous conduire à l'humour troupier presque. C'est une forme très particulière de spectacle. Comment ce spectacle continue à vivre au XXe siècle? Il reste là comme un vestige, un souvenir et un plaisir un peu intemporel, comme disait Jean-Claude Dion. Je crois que Jean-Claude Dion a bien dit qu'en effet, les certaines villes de province, parce qu'à l'époque on parle encore de province, hein, je crois jusque dans les années 80 en réalité, enfin il faudrait faire une enquête terminologique précise, mais oui, sont une sorte de conservatoire en effet de du théâtre de boulevard, ce qu'on appelait le théâtre de boulevard, le théâtre, l'opérette, mais on peut dire que Offenbach, tombe dans une sorte de purgatoire du goût pendant une grande partie du XXe siècle, même si dans les familles, les cultures familiales, on peut connaître Offenbach par cœur parfois. Ça existe. Il n'empêche que ça ne correspond plus du tout à ce que on va dire le goût théâtral du XXe siècle va établir comme disons idéal de ce que c'est que la représentation théâtrale, qui va au contraire, finalement, tout le discours du XXe siècle va se construire contre le XIXe. Va se construire contre le XIXe, si on parle de, par exemple, de Jean Villard ou du théâtre de Bussan, on va voir que c'est une sorte de refondation par le retour à l'avant XIXe siècle. Par exemple, le théâtre élisabétain ou les grandes arènes, disons, du théâtre antique, choses comme ça. Emmanuel Loyer, vous venez d'évoquer ce théâtre de Bussan, qui est une expérience exceptionnelle. Nous allons écouter une interview du directeur du théâtre du peuple de Bussan. Elle a été réalisée en 1964. Ce directeur, c'est Pierre-Richard Vilme. Ce ne sont pas des touristes, ce sont des comédiens. Ils sont à Bussan. Bussan, dans les Vosges, c'est le pays des contrastes. À quelques 200 mètres à vol d'oiseau du moderne tremplin de matière plastique s'élève l'antique théâtre du peuple. Pierre-Richard Wilm, vous vous occupez du théâtre du peuple de Bussan depuis combien d'années? Eh bien, oui, j'ose le dire, mes cheveux blancs m'y autorisent, depuis plus de 50 ans. J'étais d'ailleurs à ce moment-là un enfant et j'ai tout de suite été très frappé par l'originalité, la particularité de ce théâtre. Planté en pleine nature. Oui, c'est un théâtre d'exception. tant par son répertoire que par sa conception. Une des grandes curiosités, c'est l'ouverture des portes du fond de scène, découvrant la montagne vosgienne. Dans ce décor naturel évoluent des personnages fabuleux, des lutins des forêts, bref, tout un monde imaginaire créé par le Padre, le fondateur du Théâtre du Peuple. L'incroyable théâtre de Bussan, dans les actualités, c'était sur la première chaîne de la télévision française en 1964. Le théâtre de Bussan, populaire, nous l'entendons, ce théâtre populaire. Le théâtre a toujours été en soi populaire parce qu'il s'adresse au plus large public. Emmanuelle Loyer, historienne du théâtre, si vous vous placez au XXe siècle, vous tournez la tête, vous regardez l'histoire du théâtre au XIXe siècle, est-ce que vous dites c'est un monde quand même très différent? Oui, c'est un monde très différent parce que, on vient de le dire, le théâtre finalement au 19e, c'est un peu le cinéma du 20e siècle. C'est une sorte de plaque sensible qui réfracte toutes les résonances de la société. On peut y voir tout, on y met tout, on y fait tout, hein. Bon, au 20e, c'est plus ça, parce que justement, il y a d'autres formes culturelles alternatives et qui vont prendre une importance plus grande, le cinéma, ensuite la télé, les industries culturelles, etc. Donc, mais le théâtre reste, et particulièrement en France, un lieu ultra sensible, je dirais, de projection quasiment utopique, politique, importante, et notamment une sorte de... d'art qui va porter en fait l'utopie, on peut dire, culturelle française, de la politique culturelle qui a eu des objectifs très très qu'on peut trouver presque emphatiques, très grands en France, hein, par la voix de Malraux, etc. Mais donc, pour revenir à Bussan, là on voit très bien ce que c'est que le théâtre au XXe siècle. Ça va être aussi des expériences théâtrales, donc qui se veulent populaires, qui le sont plus ou moins, mais qui sont quand même des expériences où on essaie de revenir à un théâtre des tréteaux, hein. Parce que justement, le théâtre du 19e est vu comme un théâtre bourgeois, avec trop de choses sur scène, trop de décors, et on veut un théâtre pur, juste le tréteau, un acteur et un texte. Emmanuelle Loyer, nous revenons presque à un idéal de la Révolution française de ce théâtre-là, un théâtre qui doit être diffusé à peu près, qui n'est plus réservé en tout cas aux aristocrates et aux privilégiés. Oui, c'est pas la Révolution française finalement n'est pas si présente que ça, c'est plutôt même, j'irais, le théâtre des mystères médiévaux, parce qu'il y a aussi une quête quand même quasi religieuse, je dirais, un substitut du religieux. On voit très bien, on peut le montrer aussi dans pas mal de discours d'André Malraux. On voit qu'il utilise une métaphore religieuse, hein, les maisons de la culture, cathédrale du XXe siècle. Et donc c'est plutôt, je dirais, que les références de ce théâtre rénové du XXe siècle, c'est plutôt les mystères médiévaux, c'est plutôt le théâtre grec ou le théâtre élisabétain. Jean-Claude Dion. Alors, pour aller dans le sens de ce que dit Emmanuel, c'est vrai que la devise de Bussan, c'est par l'art pour l'humanité. Donc on voit effectivement ces ambitions extrêmes et ce côté aussi quasi spirituel et religieux. Et Bussan, donc, qui crée le Théâtre du Peuple en 1895, à un moment où en fait... par rapport à cette inflation spectaculaire, ce théâtre commercial dont parlait Emmanuel, certains hommes de spectacle se disent la seule façon de régénérer le théâtre, de faire un vrai théâtre du peuple, d'ailleurs au peuple au sens où toute la communauté, c'est plutôt le peuple dans le sens tout le monde ensemble et pas forcément les classes les plus modestes, et la seule façon de faire ça, c'est la province, comme une espèce de terre vierge où on peut revenir, et au XXe siècle, on a Racopo qui part en Bourgogne, etc. Donc il y a cet imaginaire d'une ville parisienne qui est gangrénée, qui est perdue, et une espèce de retour aux sources. On retourne au Larzac, effectivement, et on va recréer une forme de théâtre qui, effectivement, a des racines imaginaires, mais très anciennes, comme les mystères. Oui, absolument. Dans l'émission qui est la nôtre, c'est intéressant de noter l'idée, en effet, de la ville impure, d'une certaine façon, viciée. Il y a quand même un côté comme ça. Et à travers un certain nombre d'expériences, donc en effet, Bussan, Jacques Copeau et les Copiaux, le retour aussi à un théâtre itinérant, parfois. Et puis après 45, la décentralisation théâtrale, les festivals créés à Avignon en 1947 ou ailleurs, en tout cas dans des villes de province, Tout ça nous montre en effet le rôle finalement presque régénérateur de cet espace finalement qui est vu comme un espace bon qui est l'espace provincial mais qui est vu comme la promesse de la naissance d'un théâtre de la communion. Vous avez cité Emmanuel Loyer, Avignon, 1947, la création du festival, qui nous conduit évidemment à Jean Villard, qui a réfléchi à la manière de régénérer le théâtre. Nous l'écoutons dans l'émission À l'envers du décor, c'était sur la télévision française, le 10 décembre 1958. Il suffit de regarder ce plateau et d'y être pour bien se rendre compte à quel point le choix d'une pièce de quelque qualité qu'elle soit, est difficile. Nous avons une scène, je dis bien une scène et non pas une salle, une scène qui est plus large que profonde. Et il y a au moins une chose vraiment très belle ici, c'est tout d'un coup d'être seul par rapport à un très très grand espace. Mais il faut des pièces comme Corneille, il faut des pièces comme Shakespeare. Et il y a des exemples qui me viennent. Le monologue d'Auguste au Palais de Chaillot, en plus de la qualité de l'œuvre de Corneille, du génie de l'œuvre de Corneille et de ce monologue, l'acteur est provoqué par cette immensité qu'il a devant lui et qui est cette immense et énorme salle. Alors à ce moment-là, oui, être là perdu dans cette immensité noire, voilà une des vertus du Palais de Chaillot. Jean Villard, qui parle des vertus du palais de Chaillot à la télévision française en 1958. Emmanuel Loyer, l'expérience réussie que propose Jean Villard, est un moment dans l'histoire du théâtre. Alors, il y a Avignon, bien sûr, et puis il y a Chaillot, le Théâtre National Populaire. Oui, alors là, on est à Paris, hein, on est à Chaillot. Il en est le directeur depuis 1951. Et c'est en effet une expérience réussie au sens où il va créer un modèle, d'une certaine manière, d'une scène nue, une grande scène et une énorme salle, puisqu'il y avait 3000 personnes qui pouvaient être accueillies dans cette salle de Chaillot, avec un répertoire, on l'a entendu, qui n'est pas Offenbach, hein, qui est un répertoire dit classique, mais qui n'était pas si classique que ça non plus, au sens où certaines pièces, par exemple Don Juan, n'étaient pas tellement montées. Donc il va puiser dans le répertoire pré-19e, hein, Shakespeare, Corneille, Molière, Racine un peu, mais aussi un répertoire plus enfin international aussi, avec par exemple Kleist et des auteurs allemands au début des années 50, hein, c'était pas forcément très bien vu. Donc ce répertoire, disons, beaucoup quand même de la tragédie malgré tout, et conçoit cette expérience théâtrale, alors peut-être là comme une sorte de communion qui, en effet, le temps de la représentation unit tout le public. C'est un peu ce corpus d'idées qui va fonder à la fois le TNP et puis le Festival d'Avignon. Il y a aussi cette idée, là, je dirais, de cohésion, de réunion, plutôt de communion, finalement, le temps de l'expérience théâtrale. Le XXe siècle est celui de la démocratisation de la culture. Enfin, les gens ont plus facilement accès à la lecture. Étonnamment, il y a cette réflexion de la part de Jean Villard et de d'autres personnes de se dire il faut donner aux gens à voir des choses intéressantes. Jean-Claude Dion, au XIXe siècle, cette réflexion de se dire le théâtre doit servir pour édifier la population est présente. Mais il n'y a pas cette réflexion aussi fortement pensée de se dire il faut conduire les gens au théâtre pour les éduquer. C'est presque une évidence, le théâtre, on y va. Oui, mais alors en même temps, il y a cette idée quand même de ce pouvoir politique du théâtre, puisque un bel exemple, c'est à contrario le maintien de la censure dramatique. On a la loi de 1881 qui accorde la liberté à la presse, mais il faut attendre 1905-1906 pour que le théâtre soit libéré de la censure, et encore de façon alors presque, j'allais dire, vaudevillesque, puisqu'on fait pas une belle loi pour dire la parole théâtrale est libre, mais on supprime le salaire des censeurs et donc du coup la censure disparaît. Et en écoutant tout à l'heure Jean Villard, il parlait de Il avait une belle formule pour parler de l'immensité noire devant laquelle se retrouvaient les acteurs du TNP. On voit bien, c'est vrai que là qu'on est à l'opposé des bonbonnières brillantes que sont les théâtres du 19e siècle. Donc cette opposition, elle existe. Et effectivement, ce théâtre se construit contre le 19e siècle. Mais finalement, il suppose quand même des vertus au théâtre qu'on avait aussi, qui étaient aussi des idées sous-jacentes qu'on avait au 19e siècle, mais qu'on traduisait de façon complètement différente. Et puis Jean-Claude Dion, nous avons dit qu'au 19e siècle, c'est vrai que parler de politique culturelle est un petit peu anachronique, on va parler plus facilement d'action culturelle. À l'inverse, Emmanuel Loyer, la politique culturelle est une évidence dans la seconde partie du 19e siècle, en tout cas à partir de 1959 et la création du ministère de la Culture par André Malraux. Oui, ça avait déjà commencé avec le Front Populaire. Et surtout, l'ambition culturelle est désormais une ambition portée par l'État. Et donc, après 1945, la Constitution de 46 est inscrite dans le préambule de la Constitution. Donc ça change beaucoup. Mais l'acte 1, si on peut dire, c'est en effet la création du ministère, non pas de la culture, mais des affaires culturelles. C'est quand même important. Un peu plus modeste. Même si Malraux n'est pas quelqu'un qui se caractérise par la modestie en tant que tel. C'est vrai que là, avec l'inscription, disons, dans l'appareil de l'État d'un ministère des affaires culturelles, la politique culturelle va à la fois être pas très importante sur le plan, je dirais, du budget, c'est encore très peu d'argent, etc. Mais par la voix de Malraux, va être très importante sur un plan, je dirais, idéologique, politique large et aussi sur le plan européen, où on met la culture et avant tout le théâtre, finalement en position comment dire, il y a une ambition très grande d'une culture qui finalement devrait apporter du lien social, quasiment rédemptrice. Enfin, et ça c'est un fil qu'on peut trouver pendant tout le deuxième XXe siècle sous des formes extraordinairement différentes en France. Et le théâtre est vraiment, je dirais, le vaisseau amiral de tout ça, parce que les hommes de théâtre ont toujours été plus que par exemple des musiciens ou des peintres, sans doute il faudrait savoir exactement pourquoi, mais ils sont des acteurs privilégiés des politiques culturelles en France. Oui, le lien entre le théâtre, ils vont diriger les maisons de la culture. Voilà, c'est ça. Le territoire, c'est la culture, et puis la cohésion nationale à travers le territoire, et simplement la prise de parole. Oui, et puis bon, là, il va y avoir ce phénomène des maisons de la culture qui sont placé dans des villes de province. Donc on est encore une fois dans cette idée qu'il faut sortir de Paris. Voilà, nous garderons ça comme idée, c'est que ces hommes, ces femmes de théâtre sont le fer de lance d'une cohésion nationale, mais ils sont suivis par tous les autres et c'est très important. Merci beaucoup Emmanuel Loyer, merci beaucoup Jean-Claude Dion. Il est l'heure dans le cours de l'histoire de retrouver Anaïs Quien et son journal de l'histoire qui va aussi nous parler de territoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors dans le journal de l'histoire ce matin, l'identité de nos régions et les panneaux d'autoroute, ça c'est toute une histoire. Impossible d'y échapper, les panneaux qui vantent les richesses patrimoniales des régions françaises jalonnent le paysage des autoroutes pour attirer les touristes. Des châteaux, des églises, des spécialités gastronomiques, des personnages historiques, des vaches, des moutons, des chevaux, des pâtisseries, des fromages, la cargolade, la tarte tatin ou encore la fameuse noix du Périgord. Le programme de ces panneaux marrons qui bordent les quatre voies est bien vaste. Pour résumer en quelques motifs, le patrimoine des régions traversées. Un condensé d'identité locale qui a pour mission de restituer la richesse fièrement attachée à la culture nationale. J'ai pensé immédiatement aux hiéroglyphes égyptiens. J'ai trouvé que ça avait un rapport, les pictogrammes, la simplicité et tout. Tout avait un lien, la symbolique, de viser juste la structure de l'objet, la silhouette, la chose qui doit être lue à 130 à l'heure.